Salam à tous. Je vais lire l'extrait d'un épître qui s'intitule, qui s'appelle Incompris par eux, mais pas par mes frères du Tawhid, pas par mes frères du monothéisme, de l'unicité. Donc, je commence l'extrait. Je vomis l'humain. Avant même d'avoir lu Céline, les auteurs que j'aime, je n'ai pas appris d'eux, mais je me suis reconnu en eux. À ma mère, à la Oumma et aux autres. Pourquoi écrire? Pourquoi exhiber mes pensées? Pourquoi être arrivé à annihiler ma continence qui était jusqu'à aujourd'hui intériorisée dans ma sphère? Car je suis arrivé au point surplombant de ma patience. Je ne peux plus supporter le crétinisme ambiant des humains. Je ne les supporte plus. Allah merci, il y a exception à la règle, mais ils sont là, ils sont pourtant là, ces êtres ingénus, crédules, mais en même temps exécrables, ignominieux, inutiles, ne se souciant que de leurs allures, que de leurs trophées superficiels, leur attelage contemporain, leur maison de crédit qu'ils affectionnent à croire qu'ils vivront éternellement dedans. Leur délaissement de la soumission, qu'ils banalisent comme jadis les Perses banalisaient l'adoration du feu de Milan. Leur marasme face à l'histoire, les sciences, la politique et surtout la théologie. La théologie islamique, l'authentique, celle qui est dépourvue d'automatismes frivoles, celle qui ne sépare pas jalousement le temporel du spirituel, celle du terrain, celle du cœur, celle qui embrasse le tasawuf, celle qui combine foi et acte, volubilité et sincérité, celle qui insiste sur la portée de l'unicité, at-tawhid. Celle demandée par le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains diront qu'il est facile d'être un aplomb de la critique. Je leur réponds, si certains savaient se différencier de la bête sauvage, critique n'existerait pas. Je continue, encore, enfin, toujours dans l'extrait, chapitre 1. Chapitre 1, retour à la racine. At-Tawhid est la législation, l'unicité est sa législation. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Comme dit le proverbe berbère, l'arbre suit sa racine. Si la racine est boiteuse, je vous laisse imaginer l'état de l'arbre. Pourquoi évoquer que le point législatif du Tawhid? Car cela vise le contexte du livre. Le Tawhid englobe plusieurs notions, mais je compte m'attarder sur cette notion-là. De toute façon, cela n'est qu'un résumé du résumé d'un des points du Tawhid. Il est clair, évident et criant de préciser que d'abondants livres de spécialistes ont parlé de ce sujet, avec précision, mais un rappel à l'ordre de plus n'a jamais été funeste. Le retour à l'unicité est essentiel, et sans cela, l'enfant d'Adam vit sans mire, tel un insipide. Le sens de sa vie tombe dans le nihilisme total. Le Tawhid est la base, d'où l'importance de dédier modestement mon premier chapitre au résumé des explications du Tawhid et ce qui en découle dans la législation. Et pour cela, j'ai choisi l'extrait du livre « Ceci est notre dogme » du docteur, du shir Abu Mohammed al-Maqdisi, Hafidallah, qu'Allah le préserve, qui comporte des caractères compris par tous pour que le but, Inch'Allah, soit d'aspirer à sa compréhension, tout en spécifiant que ce n'est qu'une goutte dans l'océan des tomes d'antan et contemporains traitant de ce sujet, indispensable pour toute âme cherchant la veritas. Nous disons, concernant le tawhid d'Allah, qu'Allah est unique sans aucun associé, ni dans sa seigneurie, divinité, ou dans ses noms et attributs. Donc, il n'y a pas de créateur à côté de lui, et pas de seigneur à côté de lui. Il n'y a pas de pourvoyeur, pas de maître, et personne qui dispose des choses dans cette existence, excepté lui. Nous unifions Allah, le glorifier dans ses actions, tout comme nous l'unifions dans nos actions également. Ainsi, nous l'unifions dans nos actes d'adoration, dans nos intentions et volontés, car il n'est rien qui adorait en vérité, excepté lui, le glorifier. Donc, nous témoignons uniquement comme Allah l'a témoigné pour lui-même, aussi bien que les anges et ceux qui sont dotés de savoir, qu'il maintient toujours sa création avec justice. Nous témoignons qu'il n'y a personne qui a le droit d'être adoré, si ce n'est lui, Allah, Al-Aziz, Al-Hakim, l'exalté soit-il. Nous disons cela tout en affirmant ce que cette parole de puissance affirme d'unification dans l'adoration pour Allah seul, autant que ses implications nécessaires et ses droits. Et nous disons cela tout en niant également ce que cela nie comme forme de shirk d'association, et ce qui en découle derrière cela. Et nous croyons que le but pour lequel Allah, l'exalté soit-il, a créé la création, est l'adoration de lui seul. Comme le Très-Haut a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et nous appelons à son unification, le glorifier, pour tout type d'adoration, comme la prosternation, l'inclinaison, le vœu, le tawaf, le sacrifice, l'égorgement, la supplication, la législation ou autre que cela. Allah dit dans le Coran, dis en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie, ma mort est pour Allah, le Seigneur des mondes sans associé. C'est avec cela que j'ai été commandé et je suis le premier de ceux qui se soumettent. Sourate 6, versets 162-163. Et le commandement du Seigneur, le glorifié, inclut les deux commandements universels et législatifs, ainsi comme il, le glorifié, est seul dans le décret divin. En cela, il est celui qui dispose des choses dans l'univers et celui qui juge dans cela ce qu'il veut selon sa sagesse. Donc, pareillement, nous l'unifions, le glorifié, dans son jugement législatif. En conséquence, nous n'associons personne avec son jugement et nous n'associons personne dans son adoration. Allah, l'exalté soit-il, nous dit, certainement, à lui appartient la création et le commandement. Béni soit Allah, le Seigneur des mondes. Sourate 7, verset 54. De là, le halal, le licite, est ce qu'Allah l'exalté a rendu halal, et le haram, l'illicite, est ce qu'il a rendu haram. Allah l'exalté soit-il nous dit, le jugement n'appartient qu'à Allah, il a commandé que vous n'adorez que lui. Sourate 12, verset 40. Donc, il n'y a pas de législateur en vérité si ce n'est lui, le glorifié et le Très-Haut. Nous déclarons notre inimitié et désaveu et nous nous éloignons et mécroyons en tout législateur autre que lui. Ainsi, nous ne cherchons aucun seigneur à côté de lui et nous ne prenons personne à côté de lui. Le glorifié comme ami protecteur et nous ne cherchons pas non plus de religion autre que l'islam. En conséquence, tous ceux qui prennent un juge ou un législateur à côté de lui, le glorifié, le suivant et parcourant avec lui dans sa législation, ce qui est en opposition à la législation d'Allah, alors il a pris un seigneur à côté d'Allah et a cherché une religion autre que l'islam. Allah nous dit, Allah l'exalté soit-il nous dit, et certainement les shayatines inspirent à leurs amis parmi les hommes de disputer avec toi, et si tu leur obéis, tu deviendras certainement mushrik, associateur. Sourate 6, verset 121. Et Allah l'exalté soit-il dit, ils ont pris leur moine et leur rabbin comme seigneur à côté d'Allah. Sourate 9, verset 31. Là, je vais bondir directement vers le chapitre 2, pour pas tout lire, pour donner quelques extraits. Toujours du même épître qui s'appelle « Incompris par eux, mais pas par mes frères du Tawhid ». Et le chapitre 2 s'intitule « L'exorde de l'endoctrinement, l'éducation nationale ». Et l'auteur dit « Nous sommes tous prisonniers du système scolaire, si bien qu'une croyance superstitieuse nous aveugle, nous persuade que le savoir n'a de valeur que s'il nous est imposé, puis nous l'imposerons à d'autres. » Production et reproduction du savoir. Ivan Illich tirait de son herculéen ouvrage « Une société sans école ». Néanmoins, je rajouterai un savoir filtré et estropié. La meilleure façon de contrôler les idées de l'être frais est de rendre l'enseignement tout simplement conventionnel et donc canalisateur, afin de suivre l'itinéraire orchestré par l'oligarchie, à savoir l'évolution amblyope du jeune gosse candide, mais heureux, à l'adulte clairvoyant de son sort, mais dompté par l'esclavage moderne. Et cela, Georges Bernard Shaw n'aurait pas dit l'inverse. Je ne suis pas contre l'école dans sa fonction classique, c'est-à-dire un vecteur de transmission d'instructions honnêtes dans une corrélation maître-élève, mais contre ce qu'elle est devenue, un lieu d'activisme, d'information amputée, où Dolto et Freud sont rois et reines, Garaudy Guénon inconnu au bataillon. Shoah et révolution franc-maçonne, invité VIP du paysage, sentant le boketo et l'encre, tandis que le khalifa, le khilafa est vraie vision platonienne enterrée. Et malheur à l'autodidacte, car comme disent les langues méfiantes mais dignes, l'intelligence est devenue un délit, qui dit délit dit balance qui rôde. Qui dit délit dit balance qui rôde. J'ai choisi ces deux extraits-là, le premier chapitre. Ces deux extraits sont de deux couches. Donc la première couche, le premier chapitre traite d'un point qui est important et malheureusement qui est beaucoup négligé, qu'à savoir le côté législatif, hein, le côté dans l'ordre de la législation du tawhid, tawhid al-hakimiyya, parce que de nos jours on voit beaucoup de personnes par insouciance, par ignorance des fois, qui le savent et qui le font par fourberie, par arrogance, qui associent Allah de par son jugement. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement, quelque chose qui est courant. Et donc le premier chapitre voulait mettre un point d'honneur sur ce sujet, et principalement bien sûr le côté législatif du tawhid. Ensuite le deuxième chapitre, donc il a voulu revenir un peu à la source, à la racine, hein, parce que voilà, cet épître traite et relate un peu, si vous voulez, le cheminement du musulman né en Occident, d'accord ? Et donc, l'endoctrinement, si on peut dire ça comme ça, commence dès l'éducation nationale. Et donc, le court extrait que j'ai lu du chapitre traitant de l'éducation nationale parle un peu du fait que on nous impose certaines idées, on nous impose certaines pensées, c'est toujours les mêmes qui reviennent, hein, Rousseau, Montesquieu, Freud, Dolto, etc., alors que d'autres comme Guénon, comme Garaudy, comme Ibn Hazm, hein, comme Ibn Khuzaima, etc., sont enterrés, ils sont inconnus au bataillon. Et donc ce qui montre, hein, et ce qui démontre que quelque part, si on ne rentre pas dans une sphère autodidacte, on reste cloîtré, on reste restreint à une sorte d'éducation qui est binaire, c'est-à-dire ce qu'on apprend à l'école est juste et ce qui est en dehors est faux, d'accord, c'est estropié, d'accord, c'est tronqué, et on donne que des fausses informations, ce qui fait qu'une fois que la personne sort de l'éducation nationale, sort de ce système entre guillemets éducatif, elle est déjà programmée, hein, pour être tout simplement un travailleur, un rapporteur d'argent, hein, sur deux jambes. Donc les autres chapitres sont une sorte de continuité. Ensuite il y aura tout simplement l'entrée dans la vie active, et bien sûr ce que tout musulman vivant en Occident se pose comme question, à savoir est-ce que telle ou telle chose est permis, quelles sont les alternatives islamiques, comment faire pour, si vous voulez, pour se retirer les chaînes de cet esclavagisme mental, hein, puisqu'avant tout c'est mental, c'est très important, c'est une sorte d'esclavage mental qu'on inclut à nos enfants dès l'école, et bien sûr on leur filtre et on ne leur montre pas, il y a une sorte de censure par rapport aux vrais penseurs, on ne veut pas élargir leur vision, on ne parle que de Shoah, que de révolution franc-maçonne, etc., etc., qu'on capte ça, hein, avec des mots plus beaux, des mots, hein, il y a une sorte d'éloquence là, révolution et compagnie, non. Et donc voilà, en gros, cet épître traite un peu de ça, de la continuité du musulman vivant en Occident, et bien sûr les pièges à éviter, et tout simplement s'accrocher au câble d'Allah et s'accrocher aux alternatives islamiques. Voilà, salam.